ça sent le loot, cuit à point, un noob se fait cuire les doigts, la connecte Flexi, on s'en va, c'est l'heure du dîner sanglant. Un mec déco en plein fight, je lui pique tout, je lui laisse un sprite. Je fais du recyclage dans sa base, c'est pas du vol, c'est l'impôt de la crasse. Trois portes en bois, une tourelle vide, j'entre comme chez mamie, je me sens fluide, je danse devant la caméra et je me prends une flèche karma. Y'a du feu dans la viande, j'ai piégé la commande. Tu déco, moi je pile avec un rire de reptile. Ça crépite, ça rigole, la grillade c'est mon rôle. Ta déco, dommage, je te vole ton garage. Un piège à ours dans les toilettes, je me suis piégé, j'ai crié fête. Je croise un cheval avec un skin de licorne, je meurs de rire, je le monte comme une borne. Je loupe un noob qui dort en slip, son pseudo King du strip. Je repeins sa base en rose fluo et j'écris t'as tout perdu rigolo. Grillade partie, feu de camp, quand tu décoches, je suis dans ton camp. Je pile les EF avec amour, ruste et cruel, et toujours glamour. Je me balade en slip en confiance, un drone me filme, je fais une danse. Le serveur lag, tant mieux pour moi. Je passe les murs, je fais ma loi. Les viewers me hurlent, ferme la porte. Mais je suis ok avec une pancarte. J'écris maison du style et de la peur. Et j'explose, encore une erreur. Triade du soir, espoir et souffrance. Quand des connexions, larmes de l'élégance. Ta crash, je suis dans ta piole. Je fais des steaks de nouveau contrôle. Je suis pas un raideur, je suis un traiteur. Spécialiste des crashs à 20h. Et chaque déco est une offrande. Rust, c'est l'enfer. Avec des guirlandes.